Le 11 courant, le rassemblement pour le 50e anniversaire de la visite du président Kim Il-sung à l'université de musique Kim Won-gyun a eu lieu en présence des cadres intéressés, du personnel enseignant et administratif et des étudiants. Lors du rassemblement, le rapporteur a indiqué que le président a laissé le 12 juillet de l'an 55 du Jutsu 1966 les traces de son éminente direction pour ainsi ouvrir une nouvelle histoire de l'enseignement de l'original art musical. Il a affirmé que l'enseignement d'art musical qui est entré dans la voie du développement original grâce à l'attention spéciale du président Kim Il-sung et qui a salué son apogée sous la direction énergique du général Kim Jong-il connaît aujourd'hui le plus grand progrès grâce au respecté maréchal Kim Jong-un.